Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107 FM. Nous sommes le jeudi 21 octobre 2021, nous sommes en direct. C'est Chris, il est 14h02, nous sommes un petit peu en retard mais c'est pas bien grave. Vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois par téléphone Emily ou Alone Enemy, chanteuse et coach vocale, qui est là pour nous parler de ses activités du coup de chanteuse, de coach vocale et de tout ce qu'elle fait. Donc bonjour Emily. Bonjour. Comment ça va? Mais écoute, ça va bien, Chris, merci. Toi aussi? Oui, ça va bien, merci. Bon, parfait. Voilà. Donc, nos auditrices et nos auditeurs sont habitués. Je pose toujours cette même première question. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, dans les grandes lignes, donc, je suis Émilie. Je suis auteur, compositeur, interprète d'un projet qui s'appelle donc Alone Enemy. Je suis dans la musique depuis peut-être 17 ans maintenant. J'ai commencé la musique par la batterie. Je me suis ensuite mise par moi-même à la guitare et au chant de manière un petit peu plus poussée. Et donc voilà, en parallèle, j'ai développé des activités parce que je me suis formée au coaching vocal, puisqu'on est quand même conscient que vivre de sa musique aujourd'hui en France, c'est très compliqué. Et donc du coup, c'est mon activité principale. Et en fait, ça m'a permis de faire des ponts, des liens entre justement ma pratique artistique et ma pratique de coaching. Et j'interviens dans des milieux complètement différents, donc la musique bien évidemment, pour travailler avec des groupes en développement, on travaille la scène, on travaille la voix, on travaille le studio, mais j'interviens aussi à l'hôpital avec les enfants pour des soins qu'on appelle les soins de confort, accompagner les parents aussi voilà dans cette difficulté de la maladie. Et puis j'interviens également en entreprise et certainement prochainement en milieu carcéral. Voilà, toujours autour de la voix et de la pratique vocale et de ses bienfaits. D'accord, de toute façon nous allons développer ce sujet durant toute cette heure d'émission. Et donc, est-ce que du coup, pour en être là où tu en es aujourd'hui, tu as fait des études musicales ou pas du tout? Alors, oui et non, c'est-à-dire que je me suis formée à la pratique vocale, technique vocale, mais je n'ai pas de... J'ai quelques notions de solfège, puisque j'ai fait du piano petite, mais je n'ai pas... Je n'ai pas du tout approfondi ça. Non, je me suis vraiment formée au coaching, donc en termes de théorie musicale, j'ai des notions, bien évidemment, hein, et puis je me suis ensuite formée par moi-même, mais je n'ai pas fait de véritables études pour ça. J'ai fait une école de chant, qui s'appelle le Studio des Variétés à Paris, et donc qui prend 7 personnes, enfin à l'époque il y avait 7 personnes qui étaient, plusieurs personnes auditionnées, mais ils n'en prenaient que 7 au final. Donc j'ai fait partie d'une des promos où là j'ai beaucoup appris, puisqu'on a travaillé sur la voix, la pratique vocale, la technique, avec des intervenants très, très, très différents, donc c'était très, très riche. Et on a travaillé également des aspects un petit peu plus psychologiques, physiques, physiologiques, sociologiques, voilà. D'accord. Et donc, du coup, pour cette émission, du coup, va se dérouler en deux grosses parties. Donc, dans la première partie, nous parlerons du coup de ta carrière de chanteuse en tant que Alone Enemy. Et dans la deuxième, nous parlerons de ton activité de coach vocal. Voilà, pour histoire de bien, on va dire, de bien séparer les deux. Donc, est-ce que ça te va comme programme? C'est parfait. Parfait. Donc, comme nous l'avons dit en introduction, donc tu t'appelles Emily, mais ton nom de scène, c'est Alone Enemy. Donc, pour cette émission, tu préfères que je t'appelle Emily ou Alone Enemy? Ah non, Emily. D'autant qu'en plus, je viens d'intégrer un nouveau projet musical où là, je suis Emily. D'accord. Bah alors, ça sera Emily tout au long de cette émission. Parfait. Donc, du coup, ton nom de scène en tant qu'artiste solo, c'est Alone Enemy, donc ça peut être traduit par « Toute seule et moi ». Et tu dis que tu es « One woman rock band », autrement dit un groupe de rock à une seule femme. Donc pourquoi cette appellation? En fait, il fallait trouver un nom, parce qu'en fait ce projet est un peu né... sans que je m'en rende vraiment compte, puisque je me suis un petit peu amusée avec la pédale, le looper qui est le Jamman, sans intention de faire un projet. Et puis, en fait, en m'amusant, j'ai des morceaux qui sont nés. J'avais un groupe de métal à l'époque, et puis du coup, mon manager m'a suivi là-dedans. D'ailleurs, c'est mon manager qui m'avait offert cette pédale de loop pour que je puisse justement travailler un peu toute seule et tout ça. Et donc, du coup, je suis arrivée à avoir des morceaux, à faire un concert et à pas avoir de nom. Donc, il a fallu trouver un nom en urgence. Et du coup, vu que j'étais toute seule, ça s'y prêtait plutôt bien. Et il fallait trouver une appellation pour, en termes de promotion, comment trouver un truc un peu accrocheur à l'époque, hein, puisque ça commence à dater. Aujourd'hui, je l'appellerais peut-être pas comme ça, mais bon, c'est vrai quand même que c'est un one woman rock band. D'accord. Et donc, quand tu m'as envoyé un dossier de presse et puis plusieurs informations te concernant en amont de cette émission pour éviter que je fasse du hors-sujet, c'est quand même mieux. Et donc, quand tu as sorti ton premier album en 2012, il me semble que tu as dit que Alone Enemy, c'est ton fucking project. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer cette expression de fucking project? Oui. Alors, ouais, c'était un peu revendicateur. D'ailleurs, la pochette aussi, je ne sais pas si tu as vu, elle est un peu, finalement, avec le recul, je trouve ça assez agressif. D'accord. Et c'est vrai qu'en fait, ce projet est né d'un agacement. J'en avais un peu marre, voire beaucoup, d'attendre des musiciens. Alors, quand je dis attendre des musiciens, c'est-à-dire que j'ai bien conscience que c'est difficile d'accompagner des artistes sans être vraiment rémunéré et tout ça. Mais j'essayais de faire les choses bien, c'est-à-dire que les musiciens, je les payais de ma poche. J'essayais de faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver et puis également qu'ils puissent avoir une part de créativité dans les compositions. Mais ça traînait, les répétitions c'était compliqué, il y en avait toujours un qui avait un truc, et puis c'était difficile de garder un line-up plus de 8 mois, quoi. Et donc voilà, j'ai été un petit peu démotivée de ça, et je me suis éclatée toute seule avec cette petite pédale. Donc j'ai enfin fait, je suis allée au bout, parce que je composais des titres, mais les musiciens les arrangeaient. Moi je suis pas guitariste à la base, hein. D'ailleurs je sais toujours pas ce que je joue, je joue plein de trucs, mais je sais pas ce que je joue. C'est vraiment du feeling et du coup d'où la nécessité de répéter, de beaucoup répéter pour pas oublier en fait. Et donc du coup voilà, c'était un petit peu en lien avec cet agacement de me sentir vraiment frustrée, freinée parce que j'étais tout simplement dépendante des musiciens, quoi. D'accord, donc c'est pour ça ensuite que tu as décidé de faire, on va dire, ta route seule. Exactement. Le principe, si tu veux, c'est que c'est Alone and Me, mais ça peut être Alone and qui veut, puisque l'idée, c'est qu'au maximum, je puisse être autonome, d'accord ? Mm-hmm. C'est-à-dire que le projet puisse tourner tout seul, mais qu'on puisse y rajouter un batteur, un clavier, un piano, un quatuor à cordes, comment j'ai pu le faire sur certaines expériences, et essayer d'enrichir le concept, parce que c'est vrai que seul, avec une guitare, quelques pédales et un looper, deux micros, bon, c'est cool, hein, je m'éclate, mais en termes de son, on est assez limité, quoi. D'accord. Et donc, ce premier album, il a été enregistré dans ton salon en mode DIY, donc pour do it yourself, ou en français, fais-le par toi-même. Dans le salon de mon ingé son, exactement. Ouais. D'accord, ton ingé son, donc Antoine Dermot. C'est ça. Voilà. Dermot, ouais. Qui a, du coup, il a travaillé avec les groupes The Versus, Propane ou encore Zul FX. Donc, justement, est-ce que c'était une volonté de ta part de faire ce premier disque toute seule, ou est-ce que ça s'est un peu imposé à toi? Un peu les deux. C'est vrai qu'en fait, ce qui est assez terrible, c'est que, en tout cas pour ma part, faire de la musique, c'est vraiment, on s'éclate, quoi. Moi, j'adore ça. J'adore vraiment jouer, chanter. J'adore ça. Et c'est vrai qu'après, tout l'aspect marketing, stratégie, plutôt, on va dire, c'est quelque chose auquel en tout cas à l'époque je ne pensais pas, quoi. Moi, je voulais faire des concerts, et jouer, quoi. Mais bon, bien évidemment, il faut un support. Donc, le projet étant tout jeune, à l'époque j'avais une équipe autour de moi, donc comme manager, qui m'aidait à driver ça. Et donc l'idée, c'était de ne pas trop se brûler les ailes et d'aller vraiment dans le sens qu'on était en train de faire, c'est-à-dire toute seule, quoi. Donc et voir ensuite comment cela pouvait mûrir. Mais c'est vrai que au début, rentrer dans un vrai studio avec une vraie prod, ça aurait été certainement trop tôt. Mais en même temps, il nous fallait un support pour démarcher, pour les concerts, etc. Donc ça a été cette option-là, avec donc Tonio, mon ingé son, que je connais depuis 15 ans et avec qui ça roule. Donc les choses se sont très très bien passées. Et malgré le côté do it yourself, on est quand même satisfait du résultat, quoi. justement, do it yourself, donc c'est une expression anglaise, et on peut remarquer que dans tes morceaux, tu chantes souvent en anglais. Donc pourquoi avoir choisi cette langue pour chanter? Bon, ça t'arrive de chanter en français, mais pourquoi, on va dire, majoritairement en anglais? Bah, en fait, jusqu'à ce projet-là, je chantais qu'en français. D'accord. Je chantais en anglais, des reprises et tout, mais mes compositions étaient uniquement en français. Et en fait, alors pourquoi l'anglais? Si tu veux, moi avant j'avais donc des projets de métal, hein, donc j'étais sur scène, devant avec des mecs qui envoyaient du lourd derrière, ça me plaisait, ça, cette énergie et tout ça, ça me plaisait vraiment. Mm-hmm. Mais donc du coup, le challenge, c'était un peu de faire le challenge, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, l'objectif était d'essayer de faire du son qu'on avait plutôt tendance à entendre chez les Anglais ou les Américains en français, et de garder cette touche quand même underground. Donc en général, j'écris en français. Mais avec ce projet-là, je me suis retrouvée donc toute seule avec une pédale jamman, donc un looper, une guitare acoustique, donc pas du tout de gros son, et assise, puisque je n'étais pas guitariste, donc je ne pouvais jouer qu'assise. Et d'ailleurs, à la base, le jamman m'a aidé pour pouvoir jouer, enregistrer ce que j'étais en train de jouer, poser la guitare et chanter, tellement que j'étais incapable de faire les deux en même temps, puisque je ne jouais pas de guitare. D'accord. Et donc là, je ne sais pas pourquoi, de par, si tu veux, la répétition qu'on trouve dans le principe du looper, ben, en fait, ma voix s'est posée, j'ai finalement accepté ma voix. Et donc, ce chemin a été de faire des sons, de sentir des vibrations dans le corps. Donc j'ai travaillé complètement de manière différente, c'est-à-dire qu'avant, dans mes groupes de métal, j'écoutais vachement le rendu, donc si tu veux, j'écoutais mon son, ma voix, alors que là, avec ce projet-là, c'est comme si je m'étais arrêté un temps pour vraiment écouter ce que je sentais au fond de moi, ce que je ressentais, comment je vibrais. Et ben voilà, j'ai trouvé des sonorités, j'ai trouvé des zones de résonance dans ma bouche, dans mon corps, qui m'ont fait du bien. Et du coup, j'ai goûté à ce plaisir, en fait, physique et émotionnel, et je n'ai plus voulu décrocher de ça. C'était vraiment, voilà, je ne valide plus un morceau, alors toujours pareil, hein, avec moi-même, mais quand même, je ne valide plus un morceau si je ne suis pas arrivée aux larmes. Mais quand je dis aux larmes, c'est pas les larmes de tristesse, hein, c'est des larmes de tellement c'est bon, je peux pas le contenir. Et c'est vrai que la loupe aide vachement pour ça. Mais la sonorité anglaise, en fait, elle permet, de par des phrasés plutôt liés, alors qu'en français, on a beaucoup plus de consonnes, elle permet beaucoup plus de facilité, de fluidité du son. Donc je pense que c'est pour ça que je suis allée là-dedans. Voilà. D'accord. Mais honnêtement, si j'avais à ne pas écrire, ça ne me dérangerait pas. C'est-à-dire que, ce ne sont pas les mots qui me parlent. Moi, c'est vraiment les sons. Les sons et les harmonies entre elles qui vont me faire vibrer. Donc après, j'essaie de retrouver, par rapport à ce qui m'a fait du bien, aux sonorités qui m'ont fait du bien quand je fais un yaourt, par exemple, donc une langue inventée pour trouver ma ligne de chant, bien j'essaie de me rapprocher au maximum de ça, tout simplement parce que ça me fait du bien dans la bouche. D'accord, oui. C'est bizarre, mais c'est vraiment comme ça. D'accord, donc c'est tout un travail, j'imagine, en amont. Oui, complètement, oui. D'accord. Donc il est 14h, presque 15 déjà. Donc avant de poursuivre, je te propose de nous lancer directement dans un premier de tes morceaux, car on va écouter trois de tes morceaux pendant cette émission, peut-être un quatrième en bonus, on verra si on a le temps. Et donc du coup, nous allons écouter le titre qui s'appelle Harmony. Il est tiré de ton EP du même nom. Oui. Voilà. Donc on écoute ce titre et on se retrouve du coup juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gemozo. À tout de suite. And all my life I waited for the train. In the rush I tried to may I speak and stop the slashes. May I close my eyes and leave the road. Days coming and steal the flashes. I can't see, is it gone? Love that ends in streets you breathe if you need, love if you wish and even more. Beyond the man, I found the light, made me shine and ever death. My tears are heavy, my screams are free. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo. Vous êtes toujours en direct, il est 14h18. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radioguémozo.radio-website.com/partout-en-France. Et vous venez d'écouter Alone Enemy avec le titre Harmonie. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Emily, donc Alone Enemy justement, chanteuse et coach vocale, qui est là pour nous parler de tout ce qu'elle fait. Ça va toujours ? Oui, oui, nickel, merci. Parfait. Donc, d'habitude, après une pause musicale, je pose la question suivante. Pourquoi avoir choisi d'écouter ce morceau en particulier ? Mais comme ici, c'est un de tes morceaux, du coup, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu souhaites raconter à travers ce morceau Harmonie ? Eh bien, à travers ce morceau, ça a été, je pense, hein, je me remets dans le, à l'époque. Non, à travers ce morceau, c'est vraiment le plaisir finalement de s'accepter enfin et d'accepter qui on est, d'accepter finalement cette voix, parce que j'en suis témoin tous les jours avec les gens que j'accompagne. La majorité du temps, les problèmes de technique vocale viennent du fait que on se met en tout seul d'ailleurs, des barrières pour ne pas sortir la voix, parce que justement cette voix, si elle sort, c'est vraiment se confronter à nous. Donc du coup, c'est vraiment en lien avec ça, parce que je me suis vraiment trouvée, encore une fois, avec cette petite pédale, et puis seule avec ma guitare, et que c'est, bah oui, de suite un bien-être qu'on ne veut plus quitter, quoi. D'accord. Et puis aussi, ce titre, il bouge quand même assez bien. Donc est-ce que c'était un objectif, du coup, de faire un morceau qui bouge comme ça ? Ben non, mais en fait, tu sais, moi, j'écrivais en général que des choses plutôt sombres, d'ailleurs, toujours un peu, mais sombres, mélancoliques, pas du tout poppy comme ça. Et en fait, quand j'ai réussi à me trouver, ce morceau est arrivé comme ça, quoi. Et en fait, ça m'a fait du bien. Vraiment, avec ce projet-là, j'ai vraiment changé ma façon de travailler. Je ne fonctionne plus qu'au plaisir. Donc voilà, aujourd'hui, souvent, tu sais, quand on fait du rock metal, les gens ont l'air sérieux, tu vois, énervés. En fait, on peut faire du rock et être vraiment dans l'énergie sans forcément avoir quelque chose de dark, quoi. D'accord. Alors là, c'est bien évidemment, c'est un morceau qui est plus pop, hein, j'entends bien, je ne vais pas qualifier ce morceau-là de rock, mais quand même, dans les autres titres, on verra peut-être le deuxième titre qui est un peu plus rock, il y a quand même un côté un peu plus ouvert, un peu plus joyeux que ce que j'avais l'habitude de faire jusqu'à présent. D'accord. Donc on va reprendre le cours de cette émission. Donc dans ta carrière, tu as déjà eu l'occasion de jouer dans plusieurs pays d'Europe comme la France, l'Allemagne, la Suisse ou encore la Belgique, et que le plus souvent, du coup, comme ton nom de scène l'indique, tu es seul en scène. Donc là aussi, c'est une volonté de ta part d'être, en fait, de voyager, de jouer dans plusieurs pays d'Europe. Alors, idéalement, je pense que tout le monde te dirait que dès qu'on peut jouer, on joue, et encore mieux si on joue. Si on ne joue pas à la maison, j'ai envie de vous dire, parce que l'objectif, c'est de se faire connaître, c'est d'aller à l'inconnu, c'est ça qui est vraiment plaisant. Après, être seule sur la route, ça, c'est pas forcément quelque chose que je voulais faire. Mais je ne suis jamais seule parce que j'ai toujours mon ingé son, enfin, je dis mon ingé son, enfin, le poisson pilote Tonio, qui est toujours avec moi, qui est toujours de la partie. Et d'ailleurs, je ne fais pas de concert s'il n'est pas là. Donc voilà, c'est l'homme ennemi, mais je veux dire, il fait autant partie du projet que moi, quoi. Parce que lui, maintenant, il gère des choses aussi depuis la régie. Je lui ai proposé d'intégrer un peu des instruments comme le clavier, des choses comme ça, depuis la régie. Et donc, il y a vraiment une interaction qui se crée avec lui. Mais effectivement, ça fait aussi des souvenirs. On partage des moments super. D'ailleurs, tu parles de l'Allemagne. Il a été plus qu'une mère pour moi parce que je me suis fracturé le poignet quelques jours avant de partir en tournée en Allemagne. Et que ben du coup ça allait être compliqué, mais je pouvais pas annuler, j'avais pas envie d'annuler parce que j'ai monté cette tournée toute seule et que j'y tenais, et donc du coup ben c'est lui qui me branchait mes câbles, mes pédales, enfin il gérait tout, il me donnait la guitare et moi je jouais. Donc c'est vraiment important d'avoir en tout cas pour moi c'est vraiment important d'avoir quelqu'un de confiance et surtout quelqu'un avec qui ben après les concerts on est vraiment sur la même longueur d'onde, on peut parler pendant toute une nuit, enfin c'est vraiment quelqu'un c'est comme mon frère. Quoi, hein. c'est le deuxième de l'un ennemi, quoi. D'accord, toujours être bien accompagné du coup pour aller le plus loin possible. Oui, exactement, oui. D'accord. Donc... D'ailleurs, on est allé au Japon juste avant le Covid. On a eu la chance de pouvoir aller au Japon sur quelques dates. Et là, pareil, c'était une super expérience. Et aussi, ces expériences-là me permettent de le remercier par rapport à son implication, parce qu'il est là depuis le début, il y croit. Et voilà, il y a eu mon manager aussi qui est aussi, je dirais même plus à l'initiative de ce projet, qui m'a donné confiance pour ce projet. Et du coup, le fait d'arriver à développer, c'était un petit peu leur rendre un hommage, en tout cas leur montrer qu'ils n'avaient pas fait tout ça pour rien et que ça fonctionnait, et que merci d'y croire peut-être plus que moi d'ailleurs à la base. Voilà. D'accord. Et donc corrige-moi si je me trompe, il me semble que d'ici le mois prochain, dans 3 semaines, tu vas avoir un nouvel album qui va sortir, qui s'appelle ça sort le 11 novembre il me semble, par contre le titre je ne sais plus. Alors là, je crois qu'il y a une petite erreur d'information. C'était prévu, effectivement. Je devais sortir mon album en novembre. D'accord. On avait les financements, ma boîte d'édition avait tout ça, sauf qu'il y a eu Covid. Mm-hmm. Et que du coup, tout a été complètement explosé. Donc du coup, avoir en tout cas gardé une dynamique dans cet arrêt total de la vie, ça a été compliqué. Les subventions, on n'a pas pu les garder comme on voulait. Donc là, je suis en train de repenser la chose. Repartir en studio toute seule, j'en ai pas forcément envie aujourd'hui. Donc je suis en train de voir certainement faire des vidéos avec le quatuor à cordes avec qui j'avais déjà enregistré. Je travaille avec Olivier Calmel qui fait des super arrangements sur mes titres, donc il avait préparé pour l'album aussi. Et là pareil, histoire de dire on n'a pas travaillé pour rien, peut-être faire plus des vidéos et je crois que les gens ont aussi besoin de voir du visuel aujourd'hui. Donc je pense que je pencherai plus pour ça. Je suis en train de réfléchir à une autre stratégie, on va dire, je dirais pas de développement, parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai bien conscience qu'aujourd'hui vivre de sa musique c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, proposer plutôt de la vidéo avec une image, quelque chose comme ça. D'accord. Mais par contre, je rentre en studio lundi avec le nouveau projet avec qui je travaille. Voilà. D'accord. Oui, donc c'est moi qui ai fait une petite erreur. Ça arrive. Voilà, Non, mais je pense que sur mon site, c'était pas clair non plus, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, du coup, tu en as un petit peu parlé un peu plus tôt dans cette émission. Donc, jusqu'à présent, dans tes précédents morceaux, tu parlais d'humeur tourmentée, peut-être même un peu triste. Mais là, avec le titre Harmonie que nous avons écouté il y a quelques minutes, c'est un mot transparent, c'est-à-dire, du coup, l'harmonie. Et il y a une certaine différence, un certain éloignement de toutes ces tourmentes. Donc, est-ce que tu avais, à travers ce titre Harmonie, cette volonté de, en quelque sorte, casser toute cette tourmente, pour te tourner vers, on va dire, des jours meilleurs? En fait, j'ai pas vraiment eu. Si tu veux, c'est peut-être un peu difficile à expliquer, mais je n'ai pas vraiment eu à décider. En fait, c'est ça. C'est d'ailleurs ce que j'explique aux gens avec qui je travaille, c'est que lorsque tu trouves ta voix, quand je dis quand tu trouves ta voix, c'est dans tous les sens du terme, hein, tu vois, c'est voix VOIX, et donc du coup voix VOIE, C'est-à-dire que quand tu arrives à poser cette voix-là, à l'accepter, à ne plus te juger, juste à être dans ce que tu es en train de faire et d'aimer ce que tu fais, ben en fait, tu ne te poses plus de questions. Tu ne te poses plus de questions parce que les choses, elles sortent de toi. Et même s'il y a des morceaux avec un style un peu différent, ben non, mais finalement, il y a une cohérence. Je me dis, c'est la voix qui se libère. Et donc, je me dis que le liant dans tout ça est là. Mais moi, j'ai pas réfléchi. Hein. J'ai laissé sortir, quoi. Vraiment, j'ai laissé sortir ce qui était dans moi. Donc, effectivement, si je fais un parallèle avec ma vie, c'est le chemin d'une vie, c'est de se découvrir et d'aller toujours de mieux en mieux. Enfin, en tout cas, d'essayer de passer outre les difficultés de la vie. Et selon notre histoire, on est plus ou moins tourmenté. Bon, ben, les tourments, au bout d'un moment, s'ils vous parasitent et qu'ils vous empêchent de vivre, c'est compliqué. Donc, il faut, j'appelle ça travailler pour qu'on ne soit plus justement handicapé par tout ça. Donc voilà, il y a eu plein de paliers qui ont sauté et qui m'ont libéré ma voix. Donc ça s'est fait naturellement. D'accord. Et donc cette question, la question que je vais te poser, elle revient assez souvent quand je reçois des chanteuses ou des chanteurs dans mon émission, mais elle est également très intéressante, je trouve, car les réponses divergent souvent. Donc est-ce que tu dirais que tu te sers de la musique comme d'un journal intime, comme d'un exutoire ? Oui, je le dirais. Oui, bien sûr, oui. Plus la musique d'ailleurs et la musicalité que les textes, puisque comme je te disais, moi c'est vraiment ça qui me parle, et effectivement c'est des émotions qu'on lâche, quoi. Oui, complètement. C'est thérapeutique, en fait, on va dire, hein, pour pousser le truc un peu plus loin. Et après, il y a des jours où d'ailleurs, même si on, en fait c'est quelque chose qui se fait sans qu'on s'en rende compte, quoi. Il y a des jours où on n'arrive à rien faire, bon ben. Ça ne veut pas dire que ça va mal dans notre vie, hein, pas du tout, mais effectivement, quand les choses, elles sont là et qu'il y a des choses qu'on doit sortir, bon, ben, en général, ça se fait, ça se passe très bien, oui. D'accord. Maintenant, au niveau des quelques collaborations que tu as déjà faites jusqu'à présent, tu as déjà eu la chance de chanter avec un membre d'un groupe que j'apprécie tout particulièrement. Donc, le groupe, c'est No One Is Innocent, et tu as eu l'occasion de faire un duo avec Kemar, donc pour le morceau Peur du rendez-vous. Donc, comment s'est passée la prise de contact, du coup, avec Kemar, et, enfin, entre lui et toi, du coup? Alors, en fait, à l'époque, j'ai fait un tremplin qui s'appelait le Hard Rock Rising. Donc, c'était le tremplin du Hard Rock Café. Donc, c'est mon manager qui m'avait inscrit là-dessus. Bon, j'étais pas forcément pour, parce que je disais, bon, les tremplins, super. En plus, le Hard Rock Café, bon, c'est sûr que c'est un endroit rock et puis un endroit culte. Mais bon, c'est pas non plus une salle de concert appropriée. Bon. Et puis, ben, il y avait plusieurs groupes qui participaient et tout ça. Et donc, du coup, ben, ils ont accepté l'Onani. Et en fait, dans ce tremplin, il y avait donc deux sessions, hein, deux tours qu'on devait faire. Et j'ai fait une fois avec une violoncelliste qui m'accompagnait, ou peut-être d'ailleurs les deux fois, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai passé le premier tour, et puis j'ai passé le dernier tour, la finale, et puis je l'ai gagné. Et il se trouve que dans le jury, il y avait plein de gens, il y avait des journalistes de magazines musicaux, il y avait le directeur de l'Olympia de l'époque, il y avait donc, je crois, Norbert Krief qui était là aussi, ouais, et il y avait Kemar aussi et d'autres personnes. Donc, vu que j'ai gagné, et j'ai en plus remporté des instruments, une basse, une guitare. Donc, déjà, j'étais un peu mal à l'aise parce que moi, je me considère pas du tout guitariste, et qu'il y avait plein de groupes, et moi, j'étais toute seule, et du coup, j'ai tout raflé, quoi. Mm-hmm. J'ai eu tous les prix et tout. Et en plus, donc, j'ai eu la chance d'avoir des mentions particulières de certains membres du jury. Donc, le directeur de l'Olympia, qui bien évidemment ne pouvait pas me mettre sur l'Olympia, mais m'a quand même proposé une résidence au Sentier des Halles, une salle qu'il avait également à l'époque, qui était une super salle, hein, pendant un an, d'être résidente là-bas, donc de faire des concerts tous les mardis, essayer de développer le projet. Et puis donc j'ai rencontré Kemar qui m'a dit que du bien de mon projet, mais qui m'a aussi dit il faudrait peut-être pousser le truc encore plus loin, machin. Et en fait, c'est vrai que dans ce milieu, il faut un peu oser les choses, et jusqu'à ce projet-là, je n'osais rien, quoi. Je n'osais pas demander. Et donc du coup, je lui ai dit, oui, il faut qu'on reste en contact et tout. Et puis on s'est appelé, il m'a donné des conseils. Et puis je lui ai dit, mais voilà, ce serait super si tu me mettais en première partie. Et il m'a dit, oui, mais c'est pas de souci, machin. Et donc, quand j'ai vu qu'il faisait une tournée, je l'ai recontacté. Je lui ai dit, écoute, tu te souviens, on avait dit ça. Et il me dit, écoute, ok, je m'organise et tu viens sur quelques dates avec nous. Donc, je suis partie sur quelques dates en première partie de No One, en me disant bon, c'est super, mais en même temps, je suis pas sûre qu'avec ma guitare, mes pédales, j'arrive à envoyer ce que le public de No One aime voir, quoi. Et en fait, voilà, même si je suis seule sur scène et j'ai des pédales qui me permettent de trafiquer mes sons, donc j'ai des sons saturés, j'ai des octaveurs et tout comme ça. Et puis je pose la guitare et voilà, j'occupe l'espace aussi, je suis pas qu'assise. Donc j'ai retravaillé aussi dans ce sens-là et en fait ça a pas mal plu, quoi. Et au moment de se dire ok, je m'enregistrais l'EP, toujours mon manager qui était plus la tête pensante de la stratégie m'a dit mais il faudrait trouver un truc, il faudrait un duo, et là du coup on a pensé à Kemar, je suis allée au culot, je dis écoute, ça fera un petit coup de pouce, il me dit pas de souci, je lui ai présenté le titre, il a trouvé ça super. Et on l'a enregistré, et il est en studio, et après on a fait un clip aussi. Donc voilà, donc il y a eu quelques articles à ce sujet, mais malgré tout, ça a pas permis vraiment au projet de décoller, quoi. Mais il est super gentil, hein, il est super super à l'écoute, super aidant, enfin voilà, c'est quelqu'un de parole, quoi, hein, parce que quand il est venu me voir après mes concerts, il m'a dit mais j'adore ce que tu fais et tout, faut que tu développes ton truc. Donc il a été vraiment hyper aidant, quoi. D'accord. Et donc, nous parlerons encore un petit peu de cette collaboration du coup avec Kemar après cette nouvelle pause musicale. Et après la pause musicale, on parlera également du coup de ton activité de coach vocal. Donc, du coup, nous allons nous lancer dans un de tes morceaux, cette fois-ci Something for Pleasure. Voilà, j'espère que j'ai trouvé la bonne version. On croise les doigts, on verra bien, sinon ce sera la surprise. Donc voilà, donc on écoute ce titre, donc Alone Enemy avec Something for Pleasure, et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gemozo. My brain is an empty grave that I dig for myself. I go and lie on the floor. This place is my cold and home, my only thing that I can think. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours bien sûr en direct, il est 14h35. Vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement, sur notre application mobile et web Orange Radio, et aussi sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/part tout en France, et peut-être même dans les pays frontaliers grâce à notre application Orange Radio. Et donc vous venez d'écouter Alone Enemy avec son titre Something for Pleasure, et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Emily, donc Alone Enemy, justement chanteuse et coach vocale, qui est là pour nous parler de tout ce qu'elle fait. Est-ce que tu passes un bon moment en notre compagnie? Ah oui, oui, c'est super intéressant. Parfait. Donc, du coup, est-ce que là, j'ai pris la bonne version ? Oui, nickel. Parfait. Ouais. Donc, merci. Avec plaisir. Donc, justement, qu'est-ce que tu souhaites exprimer à travers ce morceau « Something for Pleasure » ? Eh bien, écoute, « Something for Pleasure », c'est un... On va dire que c'est un petit peu le récit d'une personne qui a plusieurs personnalités dans la tête, on va dire, et qui a plutôt tendance à se faire du mal plutôt que se faire du bien, et donc il trouve du plaisir dans la douleur, quoi. Alors, c'est pas une douleur forcément physique, hein, une douleur psychologique, ça peut être n'importe quelle douleur, hein, après chacun y trouve son compte, mais voilà, l'idée c'est d'exprimer un peu cette bipolarité, on va dire, quoi. D'accord. Donc, avant de parler de ton activité de coach vocal, je voulais revenir quelques minutes sur ta collaboration avec Kemar. Donc, il me semble que dans ce morceau, vous chantez tous les deux en français. Et du coup, tu exprimes dans ce morceau la peur de la rencontre avec toi-même. Et il me semble que c'est la première fois que tu exprimes cette peur en VF. En français ? Que j'exprime cette peur, pardon. En VF, donc en version française. Oui, complètement. Oui, complètement. Ah, complètement, c'est vrai. Bah, là aussi, on retrouve un peu des choses qui sont très enfouies, et je pense que tout le monde est confronté à ça. Hein. Comme j'expliquais tout à l'heure, ça se retrouve dans la voix, mais aussi dans tout ce qu'on fait. C'est la légitimité qu'on s'accorde et qu'en fait, qu'on a tendance à chercher chez les autres, autour de nous, alors qu'en fait, il s'agit de nous avec nous-mêmes, quoi. Et tant qu'on comprend pas ça, on est dans des attentes qui seront jamais assouvies finalement, parce que justement cette rencontre avec soi-même, elle est indispensable pour vivre bien, quoi. Mmh. Donc justement, est-ce que tu trouves qu'il est plus facile de s'exprimer en anglais plutôt qu'en français, ou est-ce que c'est kiff-kiff, on va dire? Non, moi ma langue natale elle est française, donc d'un point de vue vraiment de l'écriture, c'est plus facile le français. D'ailleurs, j'écris plein de choses sans forcément les mettre en musique. Et maintenant, c'est vrai que la sonorité anglaise est plus facile à chanter parce qu'elle va dans des résonances qui sont plutôt nasales, qu'on a moins de consonnes comme j'expliquais tout à l'heure, et du coup, c'est quelque chose de moins haché, de plus fluide, et donc qui est beaucoup plus agréable, en tout cas au début, moi ça a été beaucoup plus agréable d'un point de vue physique, quoi, physiologique. Et ensuite j'ai essayé de retrouver ces sensations sur du français. Par exemple, quand j'interviens à l'hôpital avec les enfants, je leur chante des comptines, des vieilles comptines, mais que je réarrange un peu version Alone and Me. Donc j'ai été obligée de retrouver ces sensations physiques sur du français, et ça se fait très bien aussi, hein. Mais c'est vrai qu'au début l'anglais aide pas mal à ça. D'accord. Donc maintenant, intéressons-nous à ton activité, donc du coup à ton métier de coach vocal. Donc en tant que coach vocal, donc c'est ton métier, nous sommes d'accord. Mm-hmm. Donc bien sûr, c'est une question un petit peu rhétorique, j'imagine que tu reprends ton nom civil. Oui. Voilà, bien sûr. Et justement, le fait de, du coup, en tant que coach vocal, que tu t'appelles Émilie et ton nom de famille, du coup, on va peut-être pas le citer, enfin, comme tu veux, comme tu préfères. Oui, Domergue, il n'y a pas de souci. Voilà, donc Émilie Domergue. Donc justement, c'est justement pour pouvoir faire cette différence donc, entre Alone Enemy, la chanteuse, et Émilie Domergue, la coach vocale, que tu reprends ton nom civil. En fait, cette différence, oui, moi je trouve que c'est important. C'est important et puis en même temps, elle se fait un peu naturellement. Alors moi, je mélange pas tout, j'ai jamais trop tout mélangé d'ailleurs. C'est-à-dire que la vie privée reste la vie privée. Quand je travaille. Enfin, voilà, chaque chose est assez cloisonnée. Et puis ça me permet peut-être moi d'être vraiment dans ce que je suis en train de faire en fait. Donc c'est-à-dire quand je suis artiste. Dans l'artistique, je me mets vraiment en condition. Et souvent, d'ailleurs, j'ai été confrontée à des moments un peu troublants, parce que quand on est artiste, j'aime pas trop ce terme, hein, parce que voilà, j'en vis pas, mais en tout cas, quand on a un projet artistique, on a la chance parfois d'être accompagné, d'être pris en charge par des structures qui vous aident, qui vous aident à vous développer. Donc dans ces dispositifs d'accompagnement, il y a de la stratégie, on vous donne plein d'infos et tout ça, et il y a aussi des cours, du coaching, etc. Et donc j'ai été parfois confrontée à être là avec d'autres chanteurs pour défendre mon projet, et il faut quand même se présenter, dire ce qu'on fait, et en fait quand on dit que, quand j'explique que je fais du coaching voix, j'essaie de pas trop le dire, mais bon, au bout d'un moment, les choses, elles se savent et tout. Donc, du coup, c'est un peu problématique parce que moi, je suis là pour apprendre. Je suis pas là pour me dire, ben, moi, je sais des choses. Non, je suis vraiment là pour apprendre parce que, de toute façon, quand je suis avec mon projet artistique, j'ai pas forcément le recul, j'ai pas forcément l'objectivité. Donc c'est parfois problématique. Et tout comme, dans le sens inverse, quand on présente des activités professionnelles à des structures, voilà, si on se présente en tant que coach, ils voient plus du tout l'artiste. Voilà, donc c'est un peu problématique parce que parfois on me dit, mais t'as plein de contacts. Alors oui, certes, j'ai des collaborateurs, enfin des gens avec qui je travaille, des partenaires professionnels, mais c'est pas pour autant que je vais aller leur présenter mon projet, tout ça, parce que chaque chose a sa place et que je ne veux surtout pas tout mélanger. D'accord. Mais justement, est-ce que tu souhaiterais qu'un jour la chanson, donc ça devienne ton métier à part entière, ou est-ce que tu veux rester coach voix, on va dire, pour toujours, et que la chanson reste une passion, un passe-temps, un hobby? Effectivement, que moi ce qui me plaisait à la base, c'était d'être en tournée, d'être en studio, de tout ça. Mais en fait, l'idée, c'est quand même de voir quelque chose derrière d'assez assis, pouvoir en vivre, parce que aujourd'hui, faire de la musique, ça coûte cher. Et donc, ne pas avoir les moyens, c'est s'enfermer, parce qu'on a besoin de moyens, on a besoin d'argent pour faire vivre un projet, que ce soit dans la chaîne matérielle, tout comme dans la promo, dans la production de disques, etc. Donc voilà, et en fait, naturellement, donc je me suis penchée vers la musique, le coaching, et en fait j'ai appris énormément. J'ai compris beaucoup de choses en me formant au coaching, et j'apprends énormément avec les gens que j'accompagne, et ça me sert énormément pour mon côté artistique. Donc finalement, pour répondre à ta question, aujourd'hui, franchement, je crois que peut-être parce que je suis trop réaliste, je pense pas que je vivrai de ma musique, mais cette situation me va très bien. Du moment que je peux toujours me faire plaisir à être sur scène, à être en studio, et que j'ai une activité professionnelle qui me permet de vivre et d'être libre aussi, de choisir avec qui je travaille, et qui est hyper enrichissante et qui est passionnante, non, j'ai pas envie de faire de choix, quoi. Même si parfois peut-être ça me porte préjudice, je te dis, parce que mon projet artistique ne se développe pas peut-être comme il pourrait se développer, parce qu'on voit le coach. Mais c'est pas grave, franchement, j'adhère, quoi, vraiment. D'accord. Et donc tu en as un petit peu parlé dans cette émission, donc un peu plus tôt dans l'émission, mais tu vas peut-être pouvoir développer un petit peu. À qui sont proposés tes coachings vocaux? Des coachs, oui, je crois qu'on a dit ça comme ça, des coachings vocaux. À qui sont proposés, c'est ça? Oui. Oui, oui. Alors, en fait, ça vient dans plusieurs milieux. Alors, à la base, moi, je suis formée pour l'artistique. Donc, ce sont des chanteurs qui veulent apprendre à chanter, qui veulent apprendre à placer leur voix. Je suis spécialisée dans le cri parce que moi, je viens du métal. Donc, je me suis formée avec David Ferron. On a fait des expériences à l'hôpital et tout ça. Donc, c'est vraiment un sujet qui m'a passionné. Et surtout, dans cette pratique de coaching, j'ai vu, alors moi, je l'ai senti chez moi, mais j'ai été témoin quand j'ai accompagné des gens, des bienfaits que la pratique vocale, et notamment le cri, pouvait avoir chez les gens. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi rester dans l'artistique, vu que c'est pour moi un véritable outil pour être bien avec soi-même. Donc du coup, c'est là où je suis allée un peu dans l'entreprise et j'ai commencé à proposer des choses sur le lâcher prise, sur le fait d'écouter sa voix, de se ressentir et du coup d'être confrontée à une chose que la majorité des gens aujourd'hui ça va un peu mieux puisqu'on est plus dans cette dynamique-là de faire des choses pour soi, de s'écouter, de se faire du bien, tout ça. C'est vrai qu'à l'époque, c'était assez récent, assez nouveau. Et avec justement des entreprises où les directeurs prennent vraiment soin de leurs employés, tout ça. Là, maintenant, ceci est un petit peu plus actuel et fréquent. Et donc, du coup, j'ai vu vraiment que les gens, de par la pratique vocale, même s'ils n'arrivaient pas forcément à faire des choses très très jolies en termes de chant, etc., en fait, ils se lâchaient, ils arrivaient à relâcher des tensions et à surtout à débloquer des blocages psychosomatiques qu'ils avaient mis en place depuis petit, hein, parce que quand on est à l'école, déjà, ça commence. Hein, et donc, du coup, d'enlever toutes ces appréhensions qu'on peut avoir sur la vie, quoi. Et donc, c'est là où, après, j'ai voulu encore aller plus loin, ma famille envie, venant du médical, je me suis dit, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe un peu en milieu hospitalier pour proposer, voir s'il n'y aurait pas une place pour la musique. Et voilà, et depuis là, quelques temps, on travaille sur un projet, certainement pour le milieu carcéral pour l'année prochaine, 2022. D'accord. Et donc, comme tu l'as dit également au début, enfin, un peu plus tôt dans cette émission, ce qui compte avant tout, c'est de trouver donc sa voix VOIE et de trouver sa voix VOIX. Ouais. Donc, pourquoi en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que si on trouve sa voix VOIX, on trouve sa voix VOIE. Enfin, moi, ça a été comme ça. D'accord. Donc, justement, pourquoi il est important de trouver sa voix VOIX? Eh bien, parce qu'en fait, d'un point de vue artistique, souvent, on est toujours confronté à des choix à faire, surtout quand on est en groupe, tu vois, il y a des concessions à faire, puis il y a des choix. On est dans un style rock, par exemple, donc du coup, est-ce que ce passage, il est assez rock? Bon, là, je caricature un peu, mais c'est souvent ça. Et quand, en fait, souvent, on demande, est-ce que ça, c'est mieux que ça? Est-ce que, voilà, donc, on s'en remet beaucoup aux autres membres du groupe, ou alors quand on est en groupe, au manager, etc. Et on peut entendre 36 000 versions différentes, du coup, on va devoir à chaque fois réajuster, et au final, on n'a pas la solution, quoi. Et ces choix artistiques, en fait, lorsque moi j'ai trouvé ma voix VOIX, ben, comme je disais, j'en avais plus à faire. Je laissais sortir les choses, en fait, et c'était vraiment une continuité de moi. Donc, j'avais pas de questions, j'avais pas de. C'était comme ça, et puis c'était pas autrement. Et en termes de technique vocale, puisque le chanteur cherche à toujours à maîtriser sa voix et avoir de la technique, ben, en fait, si vraiment on trouve sa voix, c'est-à-dire si on est dans l'acceptation et que du coup on ne met pas de gestes barrières pour que cette voix elle sorte, les problèmes techniques, ils sont quasi nuls. Parce que finalement, le corps, il sait faire. Le corps, il sait complètement faire. Normalement, personne ne chante faux. Les gens qui chantent faux, c'est juste un blocage physique qu'il faut, nous, accompagnants, arriver à déceler, à voir et à désamorcer. Et ça, j'en ai la preuve tous les jours avec les gens que j'accompagne. Donc trouver sa voix VOIX, finalement, c'est se trouver. Donc, plus de problèmes techniques, plus de problèmes de choix, et en termes de, enfin, d'un point de vue personnel et même professionnel, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on est bien dans sa voix, on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête, on est bien dans sa peau. Et donc, du coup, lorsque on est, par exemple, avec une équipe qu'on manage, pas plus tard qu'hier, j'étais en conférence sur la voix, justement, une formation pour des directeurs d'agences de banque. Et voilà, on a travaillé sur la prise de parole et tout ça, mais en fait, la technique du doute dans le management, elle est très présente. Mais douter, finalement, c'est douter de certitude. Le bon manager, il est conscient de là où il est conscient de ses failles aussi, il est conscient de tout ça. Et tout ça, finalement, c'est une écoute de soi. Ça s'appelle aussi le gestalt en management. C'est juste être conscient de ce qu'on fait, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Et trouver sa voix, c'est être. Alors, j'aime pas trop ce terme parce que c'est très à la mode. On l'emploie quand même, c'est être en pleine conscience, voilà. Donc, c'est-à-dire être vraiment alerte de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, et du coup, on va développer une sensibilité qui va faire qu'on va être alerte de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, c'est des choses que, en tout cas, personnellement, je travaille tout le temps. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je cours le matin très tôt. Des fois, je vais dans le bois, il fait noir, j'ai pas de lumière, mais c'est ce qui me plaît, tu vois, d'être vraiment à l'écoute, de développer des sens, quoi. D'accord, donc être à l'écoute de soi pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir, on va dire, supprimer les blocages, etc., etc. Exactement, et puis du coup être à l'écoute des autres. Bien sûr. Une meilleure écoute des autres. Bien sûr. Donc, je préviens nos auditrices et auditeurs, nous allons déborder dans cette émission de quelques minutes, je ne sais pas trop combien de temps, mais nous allons un petit peu déborder. Moi, je suis bavarde en plus. Il n'y a pas de souci, justement, c'est ça qu'on aime à Radio Gemozo. Donc, avant de poursuivre encore un peu et pourquoi pas de nous hydrater avec de l'eau, un café, un thé, bref, peu importe, je te propose de nous lancer directement dans une troisième fréquence musicale, dans un troisième de tes morceaux que tu interprètes cette fois-ci avec un quatuor, et que nous écoutions le morceau intitulé Secret Light, pour Lumière Secrète, voilà. Et donc, on écoute cette chanson, du coup, on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Donc, à tout de suite sur Radio Gemozo, d'ici près de 7 minutes quand même, mais bon, c'est pas grave. Donc, à tout de suite sur Radio Gemozo. Directed to my pain. Avec un quatuor avec leur titre Secret Light sur Radio Gemozo. Vous êtes de retour. Il est 14h57. Vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement, sur notre application mobile et web Orange Radio et sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Emily ou Elon Enemy, chanteuse et coach vocale qui est là pour nous parler de tout ce qu'elle fait. Tout est toujours beau pour toi? Oui, nickel, merci. Parfait. Donc, même question que pour les deux précédentes pauses musicales, tu es habitué désormais. Qu'est-ce que tu souhaites raconter du coup avec ce quatuor à travers ce morceau Secret Light? Alors, Secret Light, comment expliquer dans les grandes lignes, hein, parce que celui-là est très très vieux. Eh bien, pareil, disons que ce sont des expériences de la vie, on va dire un peu large, parce que c'est des choses qui sont un petit peu plus intimes, des expériences de la vie qu'on n'ose pas forcément s'autoriser. Et donc, lorsqu'on arrive à s'autoriser à tout ça, bien que les choses restent secrètes, elles deviennent agréables. Voilà. D'accord. Donc j'en profite justement pour, si jamais le Quatuor à cordes nous écoute, donc on salue du coup Sophie Dutoit, Noémie Roubieux, Claudine Christophe et du coup Julie Dubois, Dutoit, pardon, qui sont avec toi du coup sur ce titre. Oui, c'est voilà. Ça. Donc on leur passe un petit bonjour si jamais elles nous écoutent. Bonjour. Donc on va reprendre du coup le cours de cette émission, on va parler encore un petit peu de ton activité de coach vocal. Donc comment se passe du coup un coaching? Est-ce que c'est avec des jeux, des exercices, je sais pas, des diaporamas ou peu importe, comment se passe du coup c'est un coaching tout simplement? Alors en fait ça dépend vraiment quand on est vraiment en individuel avec un groupe ou un chanteur, le principe du coaching c'est vraiment de partir de la personne et de là où elle en est, de ce qu'elle propose en fait, de ce qu'elle amène. On ne fait pas forcément de technique, on ne fait pas forcément de théorie, on essaie de trouver des outils qui pourront l'aider pour qu'il ou elle puisse repartir rapidement avec ces outils-là et qu'elle puisse le travailler sans qu'on soit là. En fait, le principe du coaching, c'est de rendre la personne consciente de ce qu'elle fait, de là où elle en est, avoir un petit peu un regard extérieur, de ce qu'il faut aussi travailler pour toujours dans un souci d'amélioration. Mais en lui donnant quand même la possibilité de le faire, d'être autonome dans ce travail-là, puisque bien évidemment, ce qui compte le plus, c'est le travail personnel. Bien sûr, comme dans tous les domaines, je suppose. Voilà. En tant que coach voix, donc le coach vocal, quels sont tes objectifs? Mon objectif, c'est toujours en lien avec ce qu'on disait, c'est d'essayer de donner la possibilité à la personne de voir un petit peu plus avec un recul nécessaire, d'accord, de lui montrer toutes les autres possibilités qu'il ou elle a, mais qu'il ne voit pas forcément. Donc montrer, il y a une porte où il y a plusieurs portes et tu as les clés de toutes les portes, à toi de décider celle que tu veux prendre, quoi. Mais toujours pareil, l'idée du coaching, c'est vraiment d'essayer de bien comprendre qui on a en face pour arriver à essayer de la rapprocher ou de le rapprocher au maximum, au plus près de ce qu'il ou elle est, quoi. D'accord. Et si jamais, peut-être que tu en as déjà rencontré, du coup, dans ta carrière de coach vocal, s'il y a des personnes, je ne sais pas comment tu les appelles, des élèves, des apprenants? Oui, j'aime pas trop dire le mot élève parce que, comme je leur explique, je suis peut-être sollicitée en tant que coach, mais quand je suis en séance, on travaille avec de l'humain. Donc, en fait, la personne en face, elle ne le sait pas, mais elle sait beaucoup plus que moi, puisqu'il s'agit d'elle-même, en fait. Donc, je préfère travailler vraiment en me mettant sur le même pied d'égalité. On est là, on cherche ensemble. J'appelle ça le labo. Donc, il n'y a rien de faux, il n'y a rien de... juste, on essaye, quoi. Donc, je dis la personne que j'accompagne. Voilà. D'accord. Donc, si jamais, du coup, il y a des personnes que tu accompagnes qui ne se sentent pas légitimes de chanter ou voilà, d'avoir une jolie voix, par exemple, est-ce que tu travailles aussi sur cette question de légitimité? Ah oui, complètement. Alors, bien évidemment, l'idée, c'est de leur faire prendre confiance en eux, d'accord? Mais ce que j'explique, c'est que pour moi, bien que ces moments de coaching sont là pour vraiment mettre le doigt sur ce qui bloque, ce qui fait peur, tout ça, le travail, c'est eux qui vont le faire. Et donc, du coup, je même si on travaille la technique, comme ça, il y a un véritable travail mental, je pense, comme un sportif de haut niveau, hein, que l'artiste doit faire avec lui-même. Parce qu'au final, cette légitimité, c'est lui qui va se la donner. Et personne d'autre. C'est-à-dire que même si quelqu'un vous dit mais c'est super, tu as une sacrée technique et tout, si vous ne trouvez pas légitime, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et les blocages, ils sont toujours là. Donc en fait, ce travail-là, c'est un travail, mais pour moi, qui est quotidien, c'est dans n'importe quelle situation, c'est se sentir légitime, juste d'être. On n'a pas à l'erreur. Je veux dire, l'erreur, c'est quelque chose qui est humain et heureusement, quoi. Parce que si on ne fait pas d'erreur, on n'apprend rien. Donc il faut vraiment s'enlever cette pression qu'on se met de réussite, de c'est bien, il faut avoir des challenges et tout ça, mais chacun son rythme, ça sert à rien de brûler les étapes, parce que souvent quand on travaille la voix, on travaille le corps. Et même si la personne comprend d'un point de vue théorique ce qu'il faut faire, même d'un point de vue technique, c'est pas dit que le corps soit prêt à y aller. Donc il y a plein de choses comme ça sur lesquelles on n'a pas totalement la maîtrise. Et c'est un petit peu schizophrénique, j'ai envie de dire, parce qu'il faut, comment dire, mettre en place des gestes de manière consciente, mais tout en laissant faire le corps et l'esprit. Donc c'est vraiment un peu contradictoire, et c'est un juste dosage à trouver. Mais la personne doit faire ce travail-là essentiellement avec elle-même. Bien sûr. Et donc, en tant que coach voix, quels sont les problèmes que tu rencontres le plus fréquemment ? Tout simplement que les personnes, dès que la voix se place, d'accord ? Donc dès qu'ils sont sur leur voix, ils retiennent complètement. C'est-à-dire que le geste est bon, mais tac, il y a un blocage qui arrive et la voix ne sort pas. Ou alors, dès qu'ils arrivent à être sur cette voix qu'ils laissent sortir, ils ne supportent pas. Et ça, c'est très fréquent. Je pense que si je m'écoute à la radio, je vais me dire, oh là là, mais c'est pas possible, cette voix. Si vous écoutez sur le message que vous avez laissé à un proche ou quoi, mais c'est moi qui parle comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, on accepte, on a du mal avec sa voix, sa propre voix, c'est normal, parce que c'est un reflet, hein, c'est un miroir. Mais c'est comme l'adolescent qui ne peut pas se regarder dans la glace. C'est exactement ça. Moi, je me souviens, j'avais des glaces dans ma chambre, je les ai retournées. J'avais des tiroirs, enfin des placards en glace, je les ai retournés parce que on ne s'accepte pas, c'est difficile de se voir, c'est vraiment difficile de se voir. C'est pour ça que plutôt que de se voir de l'extérieur, eh bien il vaut mieux se ressentir de l'intérieur. C'est-à-dire que ce qu'il y a dehors, c'est pas qu'on s'en moque, mais en tout cas ça nous fait plus souffrir, quoi. On est juste à l'intérieur, donc on est dans l'ici et maintenant, quoi. Et la voix, c'est pareil. Il faut pas écouter, faut écouter le rendu pour voir si c'est pas faux, si on est en place, etc. Bien évidemment, mais il faut que ça reste vraiment très technique. Et à l'intérieur, il faut qu'on s'écoute sur les sensations physiques. Il faut que ça soit confortable physiquement et vocalement. Et là, ça veut dire que tout roule. Mmh. Oui, parce que avec ce que tu dis au niveau de la voix, qu'on n'aime pas se réécouter, je pense qu'ici en radio, je ne sais pas si tous les animateurs, mais les collègues animateurs radio, d'autres radios pensent la même chose, mais je sais que à titre personnel, quand j'évite de me réécouter parce que j'aime pas ma voix. Mais personne n'aime sa voix. Mais c'est vrai, hein. Bah oui, c'est pour ça. C'est marrant parce que finalement, c'est important aussi de pouvoir le faire. C'est-à-dire que tu vois, si tu réécoutes, on se réécoute aussi pour voir où est-ce qu'on a péché, où est-ce qu'on a besoin de s'améliorer. Mais normalement, avec cette acceptation de voix, on arrive à avoir de la distance et à plus être parasité par ça. C'est-à-dire qu'on va être vraiment sur ce qui se dit et pas sur comment c'est dit, quoi. Mmh. Oui, je vois à peu près ce que tu veux dire. Et donc, attends, j'ai perdu ma trame. Voilà, c'est du direct, moi je ne cache rien. Aux auditrices et auditeurs. Donc voilà, est-ce que, par exemple, en tant que coach voix, tu as déjà été sollicité pour intervenir sur des télécrochets, des émissions sur les chaînes de télé françaises? Je pense notamment à une. J'ai fait des émissions. Je sais même plus comment. Si, ça s'appelait All Together Now, je crois, sur M6. C'est M6 ou France 3, je sais plus. Je suis un peu nulle à ça. Mais oui, j'ai fait quelques trucs sur les émissions télé. Où là, effectivement, c'est encore autre chose parce que ce sont des chanteurs qui chantent très bien, mais qui savent pas du tout ce qu'ils font. Parfois, ils le font mal, mais bon, la voix elle sort quand même à peu près. Parfois, ils le font très bien, mais juste ils ne peuvent faire que ce qu'ils savent faire, en fait. Donc l'idée, là, pareil, c'est d'essayer de leur trouver du confort, de les canaliser aussi par rapport au stress, et après de leur faire prendre conscience qu'ils ont un potentiel énorme, mais qu'ils peuvent encore plus aller, enfin qu'ils peuvent aller encore plus loin si ils prennent conscience de ce qu'ils font. D'accord, la prise de conscience, elle est du coup importante pour pouvoir évoluer. Complètement, complètement. D'accord. Et justement, tes coachings voix, est-ce qu'ils sont ouverts à toutes et à tous sans restriction d'âge ? Ah oui, oui. Oui. Enfin, les tout jeunes, j'avoue que je sais pas, à partir de 17 ans, voilà, en dessous, j'aime pas trop, quoi, parce que c'est des voix, on est en plus de la voix qui est pas vraiment faite, d'ailleurs à 17 ans elle n'est pas tout à fait faite, hein, puisque la fille mue jusqu'à 25 ans. D'accord. Et le garçon en général c'est vers 20 ans. Mais c'est surtout que émotionnellement, les enfants sont des éponges, donc il faut pas faire n'importe quoi. Je dis pas qu'on peut faire n'importe quoi avec des adultes, mais c'est vrai que c'est encore autre chose. Mmh, j'imagine. Et donc, par exemple, si nous voulons, je sais pas, réserver un coaching avec toi ou s'inscrire à tes coachings pour t'avoir en tant que coach voix, comment est-ce que nous pouvons faire ? Ah ben, écoute, bonne question. Merci. Non, je sais pas, moi, les gens, ils me sollicitent, je pense, via mon site internet. Donc c'est vocal-box.com, où là il y a un petit peu tout le résumé de mes activités, uniquement sur le coaching, puisque l'artistique c'est lonanmi.com. Mmh. Et donc du coup voilà, il y a des gens qui me sollicitent pour faire des stages sur des thématiques précises, ou alors ben voilà, des gens individuels qui ont besoin de travailler leur voix, ou voilà, c'est vraiment vraiment varié. Mais je pense que c'est par le site, le Facebook aussi, donc je crois que c'est Amy Domergue mon pseudo, tu vois, je suis vraiment nulle à ça, mais d'accord. Mais bon, je crois que c'est ça. Et voilà, sur internet, voilà, on trouve tout. Bien sûr. Donc nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, nous allons nous plonger dans une quatrième et dernière fréquence musicale que tu as choisi en amont de cette émission, et que nous écoutions un groupe que j'aime beaucoup également, donc London Grammar, avec notamment la voix de la chanteuse, donc la voix de Anna Reid, qui est très puissante, que j'aime beaucoup, et leur titre Hell to the Liars. Et pour les quelques références, comme j'aime bien le faire, cette chanson, elle est sortie en 2017, me semble-t-il, elle est tirée de l'album Truth is a Beautiful Thing de London Grammar. C'est le deuxième album studio du groupe, enfin du trio, je crois qu'ils sont trois dans... Oui, ils sont trois. Voilà, du trio. Donc on écoute Hell to the Liars et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission. Donc à tout de suite d'ici à peu près 6 minutes, pareil que tout à l'heure. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. No, I'm free. Est-ce que j'ai eu des frissons en écoutant cette musique ? Évidemment. Donc, vous êtes de retour, hein, comme vous venez de l'entendre, il est 15h15, voilà. Vous êtes de retour du coup sur Radio Guémozo, vous êtes toujours en direct et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Alone Enemy, ou enfin de Emily ou Alone Enemy. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc, est-ce que tout va toujours bien ? T'es toujours là ? Oui, très bien, merci. Parfait. Donc, du coup, je n'ai pas noté sur ma trame, mais bon, je vais quand même te poser la question parce que j'aime me répéter. Pourquoi cette musique ? Cette musique, parce que c'est la dernière claque que j'ai eue en découvrant donc London Grammar, et ça faisait longtemps que j'avais pas eu de claque, comme je dis, et j'adore recevoir des claques musicales. Et cette musique, comme je disais, moi, les textes, j'y fais pas attention, mais en tout cas, les harmonies, la façon dont la voix est portée, etc., c'est vraiment quelque chose qui me... Voilà, tu parlais des frissons, oui, j'en ai eu aussi, quoi. Je la trouve vraiment puissante, quoi. Oui, la voix de Anna Reid, donc la chanteuse de London Grammar, elle a une sacrée voix très, très puissante, comme tu viens de le dire, elle sait poser sa voix, mais en même temps, elle a une certaine puissance dans la voix, et puis je trouve ça respectable. Et donc, à mon avis, elle a dû faire un sacré travail en amont, du coup, avant de devenir chanteuse, je pense. Mais certainement, ce serait intéressant de savoir. Moi, je me demande si elle n'est pas plutôt chanteuse lyrique à la base. Il y a un côté un peu lyrique dans tout ce qu'elle fait et un positionnement un peu lyrique. Mais ce serait intéressant, effectivement, d'avoir un entretien avec cette chanteuse. Oui, mais bon. Après, pour pouvoir avoir un entretien, à mon avis, il faut y aller, je pense. Donc, du coup, voilà, les 15h16, nous avons un petit peu débordé, mais bon, c'est pas grave. Si nous voulons suivre ton actualité, comment est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, donc, sur Alone Enemy, pour l'instant, je suis un petit peu en pause parce que, voilà, je réfléchis à des nouveaux projets. Et surtout, je viens d'intégrer un nouveau groupe qui s'appelle Déléo, et donc qui est un groupe montpelliérain, parce que je suis entre Montpellier et Paris, qui a enregistré avec James Sanger un anglais qui est basé en Normandie, qui a fait des gros trucs comme Dido, U2, The Cure, enfin voilà, ils ont eu vraiment un coup de bol avec ce producteur qui a flashé sur un des titres, donc ils ont fait l'album, mais il y a eu le Covid, donc la chanteuse est partie, et là du coup on rentre en studio pour que je refasse les voix avec Philippe Humensky, qui du coup lui est donc basé à Sérignan et qui a fait des groupes comme Archive, Calogero aussi, je crois, Obispo dernièrement. Voilà, donc ça c'est un nouveau projet, ça s'appelle Déléo, je crois que le site c'est déléoofficiel.com. Et voilà, et puis pour les activités de coaching, c'est vocal-box.com. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Je sais pas, de continuer sur cette voie, j'ai envie de dire. Ben voilà, tout simplement. Tu as peut-être un dernier mot avant qu'on se quitte ? Un grand merci, voilà. Ce sera bref, mais c'est vraiment merci. Merci à Willy, merci à Axel aussi. Axel Tenet, qui est donc mon ami d'enfance, qui a parlé de moi, enfin qui t'a parlé de moi lors de son interview. Et donc du coup, je vais enfin écouter son interview parce que j'attendais de faire la mienne pour ne pas être influencée. Donc merci Axel, merci à toi Chris pour ton accueil et puis de l'intérêt que tu portes à tout ce que je fais. Avec plaisir, et oui, donc merci Axel, si jamais tu nous écoutes, on te passe également le petit bonjour. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre, donc là c'est à mon tour de te remercier, du coup, Émilie, d'avoir accepté mon invitation. D'ailleurs, je te récupère au téléphone juste après, hors antenne, donc ne quitte pas. Cette émission sera rediffusée demain vendredi à 18h avec le podcast de cette émission posté sur notre page Facebook au début de la semaine prochaine, certainement dans la journée. Si tu veux, je pourrais même te l'envoyer par mail si tu veux la récupérer. Super. Voilà. Donc, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Concernant la suite des programmes, retrouvez Gilou et les années bonheur d'ici une quarantaine de minutes, enfin à 16h, voilà, à 16h, dans laquelle il recevra par téléphone Michel Monaco, auteur et interprète, qui sera là pour nous parler, enfin pour vous parler surtout de son nouvel album intitulé Vivre sans Je t'aime, avant la rediffusion de l'édition de Fréquence Libre d'hier, dans laquelle je recevais par téléphone Stéphane Poinceau, enseignant, auteur et ancien sapeur-pompier volontaire et ancien sapeur-pompier de Paris, qui était là pour nous parler majoritairement de son activité d'auteur, qui écrit des ouvrages pour rappeler les gestes qui sauvent. Quant à nous, nous nous retrouvons lundi à 14h, toujours en direct, non pas pour une édition de Fréquence Libre, mais pour une émission spéciale anti-harcèlement scolaire, avec différents intervenants et intervenantes, dont le slammer engagé Cosmos, que nous avons déjà reçu à plusieurs reprises dans nos locaux, et qui s'est produit sur scène pour les 40 ans de Radio Guémozo le 2 octobre dernier. Donc voilà, merci de votre fidélité à Radio Guémozo, et du coup je vous dis à lundi. Donc salut et à lundi.